L'archet de Maître Pablo, par Frédéric Fèvre. C'était à Londres, un dimanche, Sunday. Et bien que ce jour soit consacré au soleil, il est sans contredit le plus triste, le plus navrant de tous, surtout parmi les Français. Il y a bien la campagne, cette merveille de végétation, ces ombrages épais, ce ton de verdure tout particulier, ces arbres séculaires. Il y a bien des parcs où s'étalent majestueusement et effrontément les guenillards les plus sordides, les loqueteux les plus invraisemblables qu'on puisse voir. Des femmes et des petites filles coiffées de l'inévitable chapeau à plumes. Et quelle plume, quel chapeau! Tout un vivant album de calots étendu pêle-mêle sur l'herbe épaisse, où broutent en paix, à côté de ces squelettes maigres, les moutons les plus confortables des trois royaumes. Mais ce dimanche-là, la situation s'était compliquée d'une pluie fine, serrée, tombant d'un ciel gris et triste, c'était lamentable. Nous étions demeurés à Dieudonné Hôtel, ce petit coin de Paris si connu des journalistes, des peintres et des artistes dramatiques qui ont habité Londres. Une des rares maisons où l'on mange bien en français, comme me disait un soir Son Altesse le Prince de Galles au Gaiety Theatre. Nous venions de déjeuner avec Pablo, le virtuose chéri des Anglais et des blondes Misses. Je n'avais pas vu le jeune maître depuis assez longtemps déjà. C'était une bonne fortune pour moi que de me trouver à Londres au moment de ses concerts. Il y avait aussi son accompagnateur, Madame Fèvre et moi. En sortant de table, on monta prendre le café chez Pablo tout en parlant musique et voyage. Comme j'admirais ces deux violons, dont l'un est le présent d'une jeune et gracieuse souveraine, comme je m'extasiais sur la finesse et l'élégance de ses archets. « Tenez, me dit Pablo, en voici un auquel il est arrivé un malheur, ou plutôt une aventure presque fantastique. » En disant ces mots, son front se rembrunit et comme nous le regardions un peu surpris, il ajouta « Si vous n'avez rien de mieux à faire, je vais vous conter cela. Voici du thé, des liqueurs, des cigares, la pluie redouble. Nous ne sommes pas mal ici. Cela nous fera attendre le retour du soleil qui semble lui aussi s'être mis en grève. » C'était pendant la season de 1886. Je donnais, comme maintenant, mes concerts au St. James Hall. Un après-midi, aux dernières mesures de l'adagio de la sonate d'Horace, je vis se produire au stalle un mouvement inusité qui me força à suspendre l'exécution du célèbre morceau. Les spectateurs s'étaient levés. On emportait une jeune fille qui venait de se trouver mal. Il faisait une chaleur accablante à laquelle j'attribuais naturellement ce malaise subi. Le silence se rétablit, et le programme qui touchait à sa fin s'acheva au milieu des marques les plus bienveillantes de ce public pour moi toujours si indulgent. De retour à l'hôtel, je me disposais à prendre quelques instants de repos quand on me remit une carte. « Je n'y suis pour personne, » allais-je répondre. « Ce monsieur insiste beaucoup, » se hâta d'ajouter le portier. « Il a, dit-il, une communication importante à vous faire. Et tenez, le voici. » Je levai les yeux et aperçus un monsieur d'une cinquantaine d'années, d'une tenue très correcte. Ce qui me frappa tout d'abord, ce fut l'extrême pâleur de cet étranger, sa physionomie empreinte d'une triste et douce résignation. « Pardonnez-moi, me dit-il d'une voix émue, si j'insiste plus qu'il ne convient pour avoir l'honneur d'être reçu par vous. Je suis le père de la jeune personne qui, par un malencontreux évanouissement, a interrompu votre concert. Je ne pouvais, je ne voulais retourner à Virginia Water, que nous habitons, sans vous avoir présenté nos regrets et nos excuses. Celle de Miss Olivia, ma fille, qui est extrêmement impressionnable. » Ai-je besoin d'ajouter que nous sommes tous deux de vos plus fervents auditeurs? Je m'inclinai et répondis « Je suis, on ne peut plus toucher, monsieur, de la démarche qui me vaut l'honneur de vous connaître. Voulez-vous bien me rassurer et me dire comment se trouve en ce moment Miss Olivia ?»« Bien faible encore, mais assez vaillante pour entrer à Virginia. » »« On vous a remis ma carte. Si notre bonne fortune vous amène quelques jours de ce côté, n'oubliez pas, je vous prie, qu'il y a là, dans ce petit cottage, deux de vos admirateurs qui seraient charmés de vous recevoir. » Après un échange de saluts, mon visiteur prit congé. Sur sa carte, il y avait « Sir Charles Norton, Norton House, Virginia Water. » Lorsque Pablo prononça ce nom, malgré moi, je fis un mouvement. « Vous me connaissez ?» me demanda-t-il. « Un peu, » répondis-je. « Mais continuez, je vous prie. » Après avoir allumé sa cigarette, Pablo reprit. L'année suivante, je revins à Londres. Le lendemain même de mon arrivée, on me présenta une lettre apportée de la campagne par un express. Il y avait une réponse sur l'enveloppe, très pressée. Tout en disant ces mots, Pablo alla à un petit meuble, l'ouvrit, en tira une lettre et nous lut ce qui suit. « Monsieur, un si grand talent ne peut venir que d'une grande âme. Quand vous saurez, vous me pardonnez le décousu de cette lettre et l'indiscrétion que je commets. Ma chère Olivia est bien, bien malade. Les médecins désespèrent. Dans sa fièvre, dans ses nuits sans sommeil, elle parle de Raph, de vous. Je suis persuadé que si elle entendait cet adagio qu'elle adore, elle en ressentirait une si douce émotion qu'elle retrouverait un peu de calme et de repos. Je sais combien vos instants sont précieux, mais le dimanche, peut-être, avez-vous un peu de liberté. Je vous en prie, faites-nous la charité de quelques heures. Je vous devrai tant que je ne parle pas de m'acquitter. Ce serait impossible. Si vous ne repoussez pas ma prière, vous aurez, sinon sauvé, du moins prolongé la vie d'une enfant que j'adore, puisqu'elle est tout ce qui me reste d'un bonheur perdu. J'attends, en tremblant, votre réponse. C.H. Norton. Je me souvins tout de suite de l'incident du concert et de ce doux nom d'Olivia. J'envoyai une dépêche. Dimanche serait à Virginia vers 4 heures. Heureux de vous servir, Pablo. Le dimanche suivant, sur les recommandations de quelques amis, poursuivit le jeune maître, je partis de bonne heure, me proposant de prendre le chemin de fer jusqu'à Windsor et de monter, une fois dans le parc, la longue walk ombragée d'admirables arbres jusqu'à Snow Hill, au sommet de laquelle se dresse fièrement la statue équestre de George III. En tournant à gauche, et à partir de ce monument, on suit un chemin qu'il faut avoir parcouru pour se rendre un compte exact de sa pittoresque variété. Arbres deux fois centenaires, bouquets d'arbustes fleuris. Faisans et lapins vivant sans crainte au gagnage dans les regains touffus. Collines en pente douce, petits ruisseaux d'eau vive. Rhododendrons poussant en pleine terre, arrivant à former des haies, des murailles de fleurs, en un mot, un décor de féerie, telle est la route qu'il me fallait suivre. Après avoir déposé ma boîte à violon sur les coussins de la voiture que j'avais prise à Windsor, à partir de Snow Hill, je suivis la route à pied, admirant, rêvassant, préoccupé de cette jeune fille, me demandant avec une certaine inquiétude s'il avait été bien sage d'accepter cette invitation et ce qui pouvait advenir de ce concert in extremis. Mais nous arrivions, et mon cocher me désigna une porte qui disparaissait sous un fouillis de clématites, de vignes vierges et de jasmin. Sur une plaque de marbre, ces deux mots, Norton House. Je sonnai. Un domestique vint m'ouvrir. Nous traversâmes un petit jardin coquet où des fleurs rares étaient soignées avec une sorte de culte. Partout, des oiseaux scintillaient, voltaient de branche en branche. Jamais je n'avais entendu un concert comme celui que donnaient aux hôtes de Norton House ces légers chanteurs du bon Dieu. Sir Norton parut sur le seuil de l'habitation, me tendit la main et me regardant, secoua doucement la tête d'un air découragé. Il me conduisit au salon et de là, me faisant asseoir près de lui, il me dit d'une voix douce et grave « Merci d'être venu. Je ne doutais pas de votre cœur. »« Miss Olivia ?» demandai-je timidement au pauvre père. « Mal, cher monsieur Pablo, mal. On a beau me dire d'espérer, je le sens. C'est la fin, la même que sa pauvre mère. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à votre appartement. » C'était une charmante demeure que Norton House, plus artistique, plus vécue que les maisons anglaises ne le sont généralement. Mon hôte me montra le chemin. En face d'un coquet jardin d'hiver, rempli de plantes apportées des Indes et du Brésil, se trouvait une pièce ouverte par une large baie sur la serre. C'était la chambre qui m'était réservée. Ici encore, je fus frappé du gazouillement d'une myriade d'oiseaux de tout pays. Le domestique avait déposé ma valise et mon violon sur une large console. « Vous voilà chez vous, » me dit Sir Norton. « Olivia vient chaque soir s'étendre sur une chaise longue dans ce coin qui lui est un souvenir de notre habitation de Delhi. Elle regarde ses fleurs, écoute ses oiseaux, dont le concert au soleil couchant ne lui fait pourtant pas oublier le souvenir des vôtres. « On va prendre le thé. Voulez-vous descendre au salon ou préférez-vous que l'on vous serve ici ?»« Je préfère rester ici. » et me reposer quelques instants. Je suis un peu fatigué, ayant marché plus que je ne le fais de coutume. « Je vous le répète, » répondit Sir Norton, « vous êtes chez vous. Nous dînons à 7h30, mais quand vous viendrez, vous serez le bienvenu. » Il sortit. Resté seul, après quelques instants de repos, tout rêveur, machinalement, je sortis mon violon de sa boîte et je me mis en doigt. À peine venais-je de terminer une gamme qu'une autre gamme me répondit, mais celle-ci perlée, correcte. Je battis un tri, puis du chevalet, aussitôt une sorte d'écho me renvoyait un tri égal, cadencé, mesuré, exquis. Très surpris, je m'arrêtai. Le silence se fit aussitôt. Mais à peine eus-je reposé l'archet sur les cordes, que mon oreille fut charmée de nouveau par un concert d'une mélodie d'une fraîcheur incomparable. Je cessai de jouer, plus rien. Ne sachant que penser, je fis un pas hors de ma chambre, toute une nichée d'oiseaux s'envola, et je pus alors voir se percher sur les arbres exotiques qui décoraient la serre un délicieux assemblage de fauvettes à tête noire, de mésanges, de beauvreuils, de rouges-gorges, de rossignols des jardins. Il n'y avait pas de doute possible, c'était bien cette petite horde ailée qui venait de réduire au silence mon Stradivarius, vaincu par l'exécution impeccable de cet orchestre au brillant plumage. Comme j'allais replacer mon instrument sur son lit moelleux, Sir Norton parut sur le seuil de la serre, soutenant Miss Olivia, toute blanche, dans ses dentelles, la délicieuse enfant. Les cheveux, d'un blond roux, les yeux noirs et profonds, elle semblait une idéale madone, mais si frêle, si délicate, que le cœur se serrait à sa vue. « Que c'est aimable à vous, Monsieur Pablo, dit-elle, d'apporter un peu de vie et de joie à une pauvre malade, et combien je suis touchée de la peine que vous avez prise. Voyez, je me sens déjà mieux, et il me paraît que je suis assez forte pour essayer de vous faire les honneurs de notre table. » Tout cela fut dit d'une voix si faible qu'il me semblait que ces douces visions allaient se dissiper, et que le moindre souffle emporterait cette gracieuse apparition comme un songe. Nous redescendîmes lentement. Miss Olivia fut installée dans un large fauteuil, près de son père, grâce aux soins empressés d'une nouvelle venue. C'était une Indienne encore jeune et d'une tournure assez élégante. Sur un signe de Sir Norton, elle prit place à mes côtés. « Miss Paul, » dit-il en la présentant, « Monsieur Pablo. » Pendant le dîner, chaque fois que je levais les yeux, je rencontrais le regard d'Olivia. Je ne puis vous dire combien je me semblais troublé. Sir Norton vint à mon aide. « Miss Paul, que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter, est née aux Indes. C'est elle qui a élevé Olivia, qui n'a jamais connu sa mère, la pauvre et sainte femme ayant payé de sa vie la venue en ce monde de son enfant. Miss Paul parle très bien le français. De plus, c'est une excellente musicienne. Elle joue couramment tous les morceaux de votre répertoire. « Vraiment, lui dis-je en m'inclinant, vous jouez du raff, mademoiselle. Je vous en fais mes compliments, car c'est au piano d'une lecture un peu pénible. » « Oui, mais c'est si beau, si peu prévu, » répondit Miss Paul. « J'ai eu le bonheur, » ajouta-t-elle, « d'entendre les plus grands musiciens de notre temps, entre autres Rubinstein. » Quelle expression dans son jeu, et quelle physionomie bizarre. Quand on l'a vu, on ne peut l'oublier, et après l'avoir entendu, il devient difficile d'en entendre un autre. Le repas s'acheva au milieu d'une longue dissertation sur la musique de la nouvelle école. On en parla beaucoup, et on en parla bien, ce qui est rare, surtout chez ceux qui se disent ou se croient vraiment amateurs. En passant au salon, où le café était servi, je dis à Miss Olivia qui s'appuyait à mon bras, « Savez-vous, Miss, que j'ai des ennemis dans cette maison ?» Elle me regarda avec une si grande surprise que je m'hâtais d'ajouter, « Mais oui, j'ai eu à lutter tantôt contre une bande de petits musiciens dont je n'ai pas été vainqueur. « Ah !» fit-elle en souriant. « Vous voulez parler de mes petits amis, mes oiseaux ?» Que voulez-vous, ils ont senti un rival et ils sont jaloux. On dit que beaucoup d'artistes ont cette faiblesse. Pardonnez-leur, je leur dois de si doux moments. Pendant les longues heures où je souffre, quelquefois, ajouta-t-elle vivement, jetant tendre un regard à son père comme si elle eût voulu s'excuser d'avoir avoué ses souffrances. Quelques instants après, Sir Norton, qui ne quittait pas des yeux Olivia, lui dit « Vous devez être fatiguée, ma chérie. Il serait prudent de remonter dans votre appartement. » L'enfant se tourna de mon côté, je crus dominer sa pensée. Puisque Miss Olivia et Miss Paul aiment tant la musique, dis-je, si elles le veulent bien, je leur ferai entendre tout à l'heure la rêverie de Schumann. Et l'Adagio de Raff, ajouta timidement Miss Olivia. Et l'Adagio de Raff, ajoutai-je en souriant. Olivia battit des mains pendant que Miss Paul me remerciait d'une façon toute gracieuse en me disant « Permettez-moi, monsieur, d'installer Miss Olivia dans la serre, de sorte que, sans dérangement, vous pourrez nous donner cette joie de vous entendre et de vous applaudir. » Pendant que les deux jeunes femmes remontaient chez elles, nous fîmes, Sir Norton et moi, quelques pas dans le jardin. Le pauvre père était silencieux, préoccupé. Ce fut moi qui rompis le silence. « Je crains vraiment, lui dis-je, de déranger vos habitudes et d'apporter du trouble dans cette maison si calme et si hospitalière. Puis-je rentrer à Londres ce soir ? S'il le faut, absolument. Je vais donner des ordres en conséquence. » Répondit mon hôte, « mais vous seriez tout à fait aimable de nous accorder jusqu'à demain. S'il fait une belle et douce matinée, nous vous conduirons jusqu'à Windsor, dont la route a dû vous plaire. Ce sera une promenade deux fois agréable à Olivia et à moi, puisqu'elle nous permettra de jouir plus longtemps de votre compagnie. » « Soit, dis-je en serrant la main que me tendait Sir Norton, mais on nous attend, et il ne faut jamais faire attendre une malade. » Nous trouvâmes Miss Olivia étendue sur sa chaise longue, Miss Paul assise sur des coussins au pied de son élève. Au regard de l'Indienne, je compris qu'Olivia attendait avec une impatience fébrile l'audition nouvelle de ce morceau, qui lui avait causé déjà une si vive et si profonde impression l'année précédente. Comme j'entrais dans ma chambre pour y prendre mon instrument, quelques-uns des oiseaux de Miss Olivia s'envolèrent. J'attaquai la rêverie de Schumann, cette page exquise où, avec si peu de notes, le maître a su dire tant de choses. Le morceau exécuté, je m'avançai vers Sir Norton assis auprès de sa fille. Je passe sous silence tout ce que me dirent mes auditeurs. Miss Olivia, dont le visage avait repris quelques couleurs, me fit un léger signe de tête en me tendant sa main amaigrie et brûlante, et pendant que j'y posais les lèvres, elle essuya de grosses larmes débordant de ses yeux brillants de fièvre. « Voyons, fis-je, voulez-vous entendre maintenant l'adagio de Raff ? Si cela ne vous fatigue pas trop, je vais vous le jouer de mon mieux. » Elle sourit doucement et répondit presque à mi-voix « Oh oui, je vous en prie. » Raff eut encore plus de succès que Schumann, mais Olivia, secouée par tant d'émotions, ferma lentement les yeux et s'assoupit peu à peu. « Voyez, cher monsieur Pablo, me dit Sir Norton, elle repose, souriante, émue. Je suis sûr qu'elle passera une nuit calme. Nous vous le devrons, merci. » Je pris congé de mon hôte. « À demain, lui dis-je. À demain, répondit-il, et encore merci. » La nuit était douce et tiède, je me promenais longtemps encore dans le jardin. Au-dessus de ma tête, j'entendis par moments des bruits indéfinis, comme une plainte légère et timide d'oiseaux blessés. Le jour commençait à poindre quand je remontais chez moi. J'essayais de dormir, mais quel rêve étrange vint peupler mon sommeil. Dans les plis de mes rideaux, sur le pied de mon lit, sur les meubles, partout des oiseaux semblaient s'entretenir à voix basse et chuchoter de mystérieuses paroles. Enfin, le soleil vint m'annoncer qu'il était temps de songer au départ. Après avoir mis en ordre ma valise, je m'aperçus que le coussinet de mon instrument était resté hors de sa boîte. Je l'ouvris. Comme j'allais la refermer, un grand cri me fit tressaillir. Je me précipitai hors de ma chambre et me trouvai en face de Miss Paul, qui, un doigt sur ses lèvres, me dit « Tout est fini. Olivia s'était endormie, heureuse de vous avoir entendu, et comme tous les soirs, j'avais pris sa veille. Au bout de quelques heures, sa respiration devint plus lente, plus pénible. Je m'approchai. Elle souriait à la mort, qui était venue la prendre dans un doux rêve, car elle souriait encore, et deux grosses larmes avaient mouillé ses paupières à demi fermées. Sir Norton est fou de douleur, continua Miss Paul. Ce cri que vous avez entendu, c'est lui qui l'a poussé. Ah, monsieur, que va devenir ce pauvre père dont Miss Olivia était tout le bonheur, toute la vie? La voiture est prête pour votre départ, à moins que vous ne désiriez prendre congé de Sir Norton. Non, non, répondis-je. Il y a des douleurs qu'on respecte trop pour même essayer de les consoler. Ma présence ne serait qu'un embarras dans un pareil moment. Ma valise est prête, et si vous voulez bien prier le domestique de la descendre avec mon instrument, je vais partir le plus discrètement possible. Soyez, je vous prie, mon interprète près de Sir Norton. Dites-lui combien je prends part à sa douleur. » Quelques minutes après, j'étais sur la route de Londres, brisé, anéanti. De retour à Dieudonné Hôtel, quand, rentré dans ma chambre, j'ouvris ma boîte, je ne pus retenir une exclamation d'étonnement. Tous les crins de mon archet étaient cassés, arrachés, déchiquetés. Par qui ? Je me perdais en conjectures. Le surlendemain, j'attendais une lettre de faire part me promettant de savoir, une fois à Virginia, qu'elle pouvait être l'auteur de cet acte de sauvagerie. Mais rien ne venant, au bout de quelques jours, je pris le parti d'aller moi-même aux informations. Est-il quelque chose de plus triste que de revoir un endroit que l'on a parcouru joyeux, et de se dire que là où était la vie, la jeunesse, la beauté, il ne reste plus rien de tout ce charme que le souvenir d'une image qu'hélas le temps effacera peu à peu. Arrivé à Virginia, j'allais droit à la maison. Elle était silencieuse, on va m'ouvrir. J'entrais dans le petit jardin, les fleurs, ces belles inconscientes, continuaient à l'embaumer. Le soleil, impassible, éclairait toujours de ses chauds rayons le banc où elle venait s'asseoir. Seuls les oiseaux ne chantaient plus. Pauvre et douce Olivia qui n'aura pas vécu, n'ayant pas aimé, comme dit l'immortel poète, que restera-t-il donc à ceux qui t'auront connu? Les regrets et les larmes. J'appris par le jardinier que la maison était vendue. Sir Norton était parti pour les Indes, emportant son douloureux et précieux fardeau. Olivia, à cette heure, repose selon sa volonté à Delhi, dans le petit cimetière où sa mère l'attendait. Et, demandai-je à Pablo, qui, visiblement ému, gardait le silence, l'histoire de l'archet n'a pas de dénouement. Vous n'avez jamais rien su? Rien, répondit Pablo. Eh bien, mon cher maître, c'est moi qui vais vous renseigner, répondis-je à notre ami. Il me regarda avec stupéfaction. Vous? Fit-il. Moi-même, écoutez. Il y a quelque temps déjà, un soir, je dînais chez Lord Granville, ce Parisien de Londres, cet amateur, ce connaisseur au goût délicat, ce grand ami de notre chère maison de Molière, ce gentilhomme, dont chacun de nous garde un respectueux souvenir. Au sortir de table, pendant que les hommes se rendaient au fumoir, je restais avec quelques dames dont la conversation était des plus intéressantes. La porte du salon s'ouvrit, et l'on annonça une jeune miss dont le nom m'échappe. Il y avait réception. La jeune fille était accompagnée d'une dame de compagnie dont la couleur du visage trahissait une personne née aux Indes. Après les présentations d'usage, l'Indienne, ayant entendu prononcer mon nom, s'approcha de moi et me demanda si parmi les artistes de mes amis, j'avais l'honneur de vous compter, mon cher Pablo. « En effet, répondis-je à l'inconnu. Qu'est-il devenu? Le savez-vous, monsieur? Où est-il en ce moment? » « En Espagne, répondis-je, un peu surpris de toutes ces questions. Mais il sera ici pour la saison, devant y donner quelques concerts. »« Miss Paul !» s'écria Pablo. « C'était Miss Paul ! De grâce, achevez, mon cher Fèvre !» Le père, reprit l'Indienne, après quelques mois passés dans une maison de santé, n'a pu survivre à la perte de cet enfant qu'il adorait. À cette heure, toute cette famille repose à Delhi. Et à propos de M. Pablo, il s'est passé un fait curieux presque invraisemblable, connu de moi seul. Un soir que le jeune maître était venu à Virginia Waters se faire entendre, à la grande joie de la pauvre malade, brisée d'émotion, Miss Olivia venait de s'endormir. Il y avait si longtemps que le sommeil n'avait réparé ses forces, que je restais près d'elle, n'osant faire un mouvement qui eût pu la réveiller. J'étais moi-même dans une sorte d'engourdissement. Cette musique, l'odeur pénétrante des fleurs, le silence de la nuit, quand tout à coup un bruit singulier attira mon attention et me fit lever les yeux. Je vis, par la porte de la serre qui donnait sur la chambre de M. Pablo, s'abattre une nuée de nos oiseaux. Ils voltèrent d'abord dans la pièce, heurtant leurs ailes aux meubles, aux boiseries, puis peu à peu, rétrécissant leur vol, ils s'approchèrent de la boîte à violon restée ouverte et se mirent à arracher à coups de bec les crins de l'archet, s'enfuyant aussitôt sans lâcher prise. D'abord, je crus rêver. Je regardais attentivement, c'était bien réel. Et j'étais là, dans l'impossibilité de faire cesser ce carnage d'un genre aussi nouveau qu'imprévu. Un mouvement que fit Miss Olivia mit fin à cette scène étrange. Hélas, Miss Olivia mourut au petit jour. J'étais si troublé que je ne songeais même pas, lorsque M. Pablo quitta Norton House, à lui raconter ce que j'avais vu. Miss Olivia avait désiré être transportée à Delhi. Le jour de notre départ pour les Indes, le fils du jardinier, un charmant baby, vint me dire adieu. Il tenait à la main un nid d'oiseau dont la construction singulière me frappa. Il semblait fait d'un assemblage de petits morceaux d'une matière blanchâtre résistante sous le doigt. « C'est le second que je prends depuis hier, » dit l'enfant, tout rouge de plaisir et fier de sa chasse. Je demandai à voir l'autre. Il était bâti de la même matière. En regardant avec plus d'attention, je pus me convaincre que ces nids étaient faits avec les crins de l'archet de maître Pablo. Il n'y eut plus de doute dans mon esprit, et je demeurai convaincu que ces oiseaux qui, seuls jusqu'ici, avaient eu le privilège grâce à leur doux gazouillis, d'abréger les heures de souffrance de la jeune maîtresse, que ces oiseaux jaloux de celui qui venait leur disputer triomphalement le succès avaient détruit l'archet afin qu'Olivia n'entendît plus le violon de leur ribale. Voilà mon sentiment. Mais je suis du pays des naïves croyances. Cependant, quand vous verrez votre ami, racontez-lui les méfaits de ces petits vandales et ne vous moquez pas trop de ma version. Depuis, je n'ai plus revu Miss Paul et j'attendais le plaisir de vous rencontrer, mon cher Pablo, pour m'acquitter de ma mission. Permettez-moi d'ajouter que tout en partageant les soupçons de Miss Paul, il ne me paraît pas impossible que les mères de ces oiseaux se soient imaginées qu'en construisant leur nid des débris de votre archet, leurs petits n'enchanteraient que mieux. Vous avez voulu savoir la vérité, la voilà. Ne rougissez pas, mon ami, ce n'est pas votre faute si vous avez des rivaux jusque dans le monde ailé. Pablo se leva, prit une cigarette, alla vivement à la fenêtre qu'il ouvrit pour se donner une contenance et d'une voix qui trahissait une vive émotion. « Il ne pleut plus, » dit-il. « Voilà le soleil. Si nous allions un peu dans Saint James Park voir les petits-fils de Callot. » Ainsi s'achève l'archet de Maître Pablo par Frédéric Fèvre.